Allons-y avec la deuxième partie du Bloc de l'Est Québec-Ontario. Mais juste avant, je tiens à remercier des gens très, très spéciaux qui me permettent comme ça de rentrer chez vous et de vous offrir un 2 heures de musique franco-canadienne. Merci à Vanessa Lisabelle de l'Arc du Canada. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs et directrices de programmation des stations suivantes. CKJM Chéticamp, WIFM 98 Halifax, CFAB Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse. CKMA Miramichi Nouveau-Brunswick, CHUO, la radio de l'Université d'Ottawa, et CFRH, la radio francophone du comté de Simcoe de la région de Barrie en Ontario. Il y a Envol 91 Saint-Boniface au Manitoba, CFRG Gravelbourg au Saskatchewan, CILS Victoria Colombie-Britannique et CIVR Yellowknife Territoire du Nord-Ouest. Merci beaucoup à ces stations-là de me diffuser. Beau bonjour à tous les auditeurs qui m'écoutaient dans toutes ces régions du Canada. Et bien entendu, commentaires, suggestions ou même contacts d'artistes francophones, vous m'envoyez ça à canrockcdn@commercial.gmail.com. Allons-y, si vous voulez bien, avec tout simplement la deuxième partie du Bloc de l'Est qui commence avec Sugar Crush, autrefois connu sous le nom de Bijou and Son. Sugar Crush, Marie-Soleil et Joanie nous offrent tout simplement une relecture de Zigodon. Et petite parenthèse, Joanie me disait en entrevue que le violoniste qui participe à l'album joue pour La Bottine Souriante, mais il était déboussolé de voir l'arrangement comme tel. Vous allez voir un arrangement assez intéressant, merci. Par la suite, on va entendre la pièce bonus de l'album de Julie Kim, Portrait. C'est la pièce éternelle indécise, très intéressant. veux aller tout droit. Volatile comme une mouche, tout ça m'arrête parfois. J'aimerais bien plaire à tous, et ça me donne la frousse. En décevant personne, je camoufle ce qui résonne. Peu importe la question, j'ai toujours la même réflexion. Oh, je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être non. Mais ça m'apporte des déceptions. Ma tête est toujours grise, ce qui fait de moi une indécise. J'envie les gens fermes, pour eux tout se fait à terme. Peu importe la question, j'ai toujours la même réflexion. Oh, je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. N'importe quoi pour revenir. jour j'ai fait mes bagages et je me suis envolée. Tout ce que je voulais, c'était de m'éloigner. Là, mon seul regret est de ne pas avoir resté. Je ferais tout n'importe quoi pour revenir. Je ferais tout n'importe quoi pour revenir. Je ferais tout n'importe quoi pour revenir. Je ferais tout n'importe quoi. N'importe quoi pour revenir. Rachel Barber, chez moi. Rachel Barber, jeune auteure-compositrice, interprète native du nord de l'Ontario. Je pense que c'est Timmins ou peut-être North Bay, mais elle faisait partie de Rond-Point 4. Rond-Point 4, bon, c'était aussi Kiris, c'était aussi Marie-Claude, c'était aussi Daniel Groslot-Landry. Donc, une belle édition. Et cette année, Rond-Point 5 est en cours et il y a de très bons artistes aussi de ce côté-là. Donc, Rachel Barber, peut-être qu'on aura le droit à un album à un moment donné, je l'espère. Vraiment une jeune auteure-compositrice-interprète très talentueuse. Ça nous amène à notre bloc instrumental et je vais commencer par un beau souvenir tiré d'une compilation que j'ai reçue en 96-97 à peu près. C'est en pleine musique, des musiques composées par des artistes du Manitoba. Et Laurent Roy, dont je rêve le jour que j'aurai un album complet de Laurent Roy dans les mains à vous faire entendre, je pourrais mourir, quoi. Je veux dire, j'adore ce gars-là. Très bon guitariste jazz du Manitoba. Sur la compilation, il y a deux pièces, dont « Tôt ou tard ». Et on va entendre tôt ou tard dans quelques instants. Mais il est aussi le guitariste sur le EP de Suzanne Kennelly qu'on va entendre dans le bloc de l'Ouest. Donc, un artiste très, très prolifique. On va entendre aussi Michel Taillefer et les Eastern Standard Time avec « Turn Right Here ».